Exercice 13, page 93. Pendant mon adolescence, les choses à la maison n'avaient pas beaucoup bougé. Je n'accompagnais plus mes parents en Espagne, mais mon père conduisait encore seul.